Arthur Conan Doyle. Mémoire d'un médecin. La première opération. Les séances d'amphithéâtre d'hiver s'ouvraient ce jour-là et un étudiant en médecine de troisième année se promenait avec un de ses amis de première année. Midi sonnait à l'église de Tronc. « Je parie, dit l'homme de troisième année, que vous n'avez jamais vu d'opération. » « Non, jamais. »« Eh bien, venez avec moi. » Voici le bar historique de Rutherford. Un verre de sherry, s'il vous plaît, pour ce monsieur. Vous avez le cœur plutôt sensible, je crois. Je crains, en effet, que mes nerfs ne soient pas très solides. Ahem ! Un autre verre de sherry pour ce monsieur. Nous allons assister à une opération qui en vaut la peine. Le novice fit un mouvement d'épaule imperceptible en essayant de sourire pour se donner un air dégagé. L'opération sera très sérieuse. Oui, assez sérieuse. Une amputation? Non, mieux que ça. J'oubliais, mon cher, que j'ai un rendez-vous à la maison. C'est idiot d'avoir une venette pareille. Si vous n'allez pas à l'amphithéâtre aujourd'hui, il faudra y aller demain. Il vaut mieux en finir. Êtes-vous à peu près en état? Oh oui, tout à fait, dit-il en souriant du bout des lèvres, d'un air peu convaincu. Alors, un autre verre de sherry. Allons, venez ou nous serons en retard. Je veux vous placer bien au premier rang. Croyez-vous que cela soit bien nécessaire? Oh, cela vaut mieux. Quelle kyrielle d'étudiants! Il y a une masse de nouveaux parmi eux. Vous les reconnaissez facilement, n'est-ce pas? Ils sont aussi pâles que s'ils allaient subir l'opération eux-mêmes. Il me semble que je ne serais pas tellement impressionné. Eh bien, moi, j'ai été tout pareil, mais ce sentiment disparaît bien vite. Au début, vous passez par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez une figure de papier mâché, mais au bout de 8 jours, vous déjeunez dans la salle de dissection. Je vous en reparlerai quand nous serons sur place. Les étudiants descendaient en masse la rue en pente qui mène à la faculté de médecine, chacun avec un cahier de notes à la main. Il y avait de très jeunes garçons à la mine pâle, l'air affairé, frais éclos des hautes études, et de vieux étudiants endurcis dans le métier, devenus des piliers d'amphithéâtre. Ils affluaient en tumulte de la grille de l'université à l'hôpital. Leur silhouette et leur démarche paraissaient jeunes, mais on trouvait un air de vieillesse empreint sur leur visage. Les uns vous donnaient l'impression de garçons mal nourris, les autres de jeunes gens qui boivent démesurément, grands et petits, vêtus de noir et d'étoffes fantaisie, étudiants aux épaules carrées ou étroites, tous arrivaient en foule, en traînant les pieds et en faisant sonner leurs cannes sous le porche de l'hôpital. De temps à autre, ils formaient deux files lorsqu'une voiture de chirurgien s'avançait sur le gravier. « Il va y avoir foule autour d'Archer, » murmura l'aîné des deux étudiants avec une joie mal dissimulée. « Il est très chic à regarder travailler. » Je l'ai vu dernièrement gratter autour d'une aorte avec une désinvolture qui me faisait froid dans le dos. Par ici, et attention à la peinture. Ils traversèrent une porte cochère, puis un long corridor d'allée sur lequel ouvraient de chaque côté des portes brunes numérotées. Quelques-unes de ces portes étant entr'ouvertes, le novice y jeta un coup d'œil furtif et inquiet. Il se rassura en apercevant un bon feu dans les cheminées, des lits aux couvertures d'une blancheur immaculée, au mur une profusion de gravures coloriées. Le corridor débouchait sur une petite salle où une certaine quantité de gens pauvrement vêtus étaient assis sur des bancs en rang d'oignon. Un jeune homme, une paire de ciseaux passés dans la boutonnière comme une fleur et tenant un carnet à la main, allait de l'un à l'autre, parlait bas et écrivait. « Y a-t-il quelque chose qui en vaille la peine ?» demanda l'étudiant de troisième année. « Vous auriez dû venir ici hier, » répondit l'interne en levant la tête. « Nous avons eu une vraie journée de combat. Un anévrisme poplité, une fracture du col du fémur, une spina bifida, un abcès des tropiques et un éléphantiasis. Comment trouvez-vous cela pour une matinée ?»« Pas mal, en effet, je suis fâché d'avoir manqué cela. » Mais tout n'est pas perdu, je suppose. Qu'a donc ce vieux type là-bas? Un ouvrier, plié en deux, était assis dans l'ombre. Il se balançait en avant et en arrière, en gémissant. Une femme à côté de lui essayait de le consoler en lui caressant l'épaule d'une main qui était couverte de petites cloques blanchâtres très bizarres. C'est un magnifique anthrax, dit Laide avec l'air de compunction d'un botaniste qui fait les honneurs de ses orchidées à un fin connaisseur. Son anthrax est sur le dos. Mais il y a ici un courant d'air du diable et nous ferons mieux de nous en aller. Qu'en dites-vous, mon vieux ? Tenez, voilà un pemphigus, ajouta-t-il négligemment en montrant les doigts déformés de la femme. Voulez-vous vous arrêter pour voir enlever un métacarpien ? Non, merci, nous sommes attendus, chercheurs. Venez. Et ils rejoignirent le flot humain qui se pressait vers l'amphithéâtre du fameux chirurgien. Les bancs en fer à cheval qui s'élevaient en gradins jusqu'au plafond étaient presque combles de monde et en entrant, le novice aperçut confusément les lignes courbes des visages étagés en face de lui. Il entendit le bourdonnement d'une centaine de voix qui riaient et causaient au-dessus de sa tête. Son camarade remarqua une place vide au second rang et tous deux s'y faufilèrent. C'est parfait, dit l'étudiant de troisième année. Vous suivrez admirablement l'opération de votre place. Une seule rangée de têtes les séparait de la table de chirurgie. Celle-ci était en bois blanc grossier, mais irréprochable de propreté. Une toile caoutchoutée en recouvrait une partie et un plat rempli de sciure de bois était placé au-dessous. À l'extrémité de la table, en face de la fenêtre, se trouvait une planche sur laquelle reluisaient des instruments de toute nature. Forceps, tenacula, scies, canules et trocars, plusieurs jeux de ciseaux aux lames fines, longues et délicates, étaient rangés à côté. Deux jeunes gens flânaient autour de cette table. L'un enfilait une aiguille, l'autre s'occupait d'une bouilloire, sorte de cafetière qui lançait des bouffées de vapeur. « Voilà Peterson !» murmura l'aîné des deux étudiants. « Ce grand homme chauve, au premier rang, c'est lui, le fameux greffeur de peau, vous savez ?»« Cet autre est Anthony Brown, qui a réussi l'ablation d'un larynx l'hiver dernier. »« Et voici Murphy, le pathologiste, et Stoddard, l'oculiste. »« Vous arriverez bien vite à les reconnaître tous. »« Qui sont les deux hommes autour de la table ?» Rien que des aides, l'un est chargé des instruments, l'autre de la bouilloire, dont l'usage est basé sur le principe de la vapeur antiseptique de Lister. Archer, lui, est un des adeptes les plus fervents de l'école de Hayes. L'antisepsie et l'hygiène à l'eau froide, aussi se détestent-ils tous deux cordialement. Un souffle de curiosité parcourut ces bancs encombrés de spectateurs, lorsqu'une femme en jupon et en camisole entra dans la salle, soutenue par deux gardes. Un châle de laine rouge couvrait sa tête et son cou. Sa figure semblait être celle d'une femme jeune, mais ses traits étaient tirés par la souffrance et son teint jaune comme la cire. Elle pouvait à peine supporter sa tête en marchant, et une des gardes, passant le bras autour de sa taille, lui chuchotait à l'oreille des paroles de consolation. En passant, elle lança un coup d'œil rapide sur la table d'opération, mais les gardes l'en détournèrent. « De quoi souffre-t-elle ? » demanda le novice. « D'un cancer de la parotide. C'est un cas diabolique. Le mal s'étend loin en arrière des carotides. Il faut être Hatcher pour oser intervenir. Ah ! Le voilà en personne !» Tandis qu'il parlait, un petit homme vif, aux cheveux gris, entra dans la salle en se frottant les mains. Son visage avait le type d'un officier de marine et était complètement rasé. Il avait de grands yeux brillants, une bouche volontaire et énergique. Derrière lui venait son premier aide chirurgien avec son pince-nez reluisant et une nuée d'acolytes qui se groupèrent dans les différents coins de la salle. « Messieurs, cria le chirurgien d'une voix aussi forte et résolue que sa personne, nous avons ici un cas intéressant de tumeur de la parotide. » Au début, elle était cartilagineuse, mais elle prend un caractère de malignité qui exige l'excision. Sur la table, garde. Merci. Le chloroforme, aide. Merci. Vous pouvez ôter le châle, garde. La femme était couchée sur le petit matelas caoutchouté et sa tumeur apparaissait à découvert. En elle-même, cette tumeur ne présentait pas un aspect répugnant. D'un blanc d'ivoire parsemé de veines bleues, elle s'étendait de la mâchoire à la poitrine. mais la figure amoindrie et jaune, le cou décharné de la patiente, formaient un étrange contraste avec la rotondité et le développement de cette énorme excroissance. Le chirurgien encadra la tumeur avec ses deux mains et la pressa lentement en avant et en arrière. « Elle est adhérente en un point, messieurs, cria-t-il. Elle s'étend aux carotides et aux sous-clavières jugulaires, puis elle passe derrière la branche du maxillaire où il faut nous préparer à la suivre. Il est impossible de prévoir jusqu'où notre incision nous entraînera. Des pansements de gaz phéniqué, s'il vous plaît. Poussez le chloroforme, monsieur Johnson. Préparez la petite scie au cas où il deviendrait nécessaire d'enlever le maxillaire. » La malade gémissait doucement sous la serviette qui couvrait sa figure. Elle essaya de lever les bras et de replier ses genoux, mais deux aides l'en empêchèrent. L'atmosphère lourde était imprégnée de l'odeur écœurante de l'acide phénique et du chloroforme. Un cri étouffé se fit entendre sous la serviette, puis une voix aiguë, chevrotante, prononça ces mots entrecoupés. « Il dit, si vous fuyez avec moi, vous serez maîtresse de la crèmerie. Vous serez maîtresse !» Peu à peu, la voix s'éteignit et finit par s'arrêter. Le chirurgien s'approcha en se frottant toujours les mains et dit à un des étudiants placés en face du novice « Un fameux échec pour le gouvernement. Oh, 10 voix suffiraient. Ils n'en auront pas 10. Il ferait bien mieux de démissionner avant qu'on les balaye. Oh, à leur place, je tiendrai bon. Pourquoi ? Ils n'auront jamais la faveur du comité, même s'ils obtiennent un vote du Parlement. Je disais donc que... La patiente dort, monsieur, dit l'aide. À McDonald, mais nous en recoserons tout à l'heure. Il retourna vers la malade qui, en respirant, poussait des soupirs longs et profonds. Je propose, dit-il, en passant la main sur la tumeur comme s'il voulait la caresser, de faire une incision sur le bord postérieur, une autre en avant, à angle droit à la partie inférieure. Voulez-vous me passer un couteau moyen, monsieur Johnson ? Le novice, dont les yeux se dilataient d'horreur, vit le chirurgien saisir le long couteau brillant, le plonger dans une cuvette de métal et le balancer entre ses doigts comme un peintre qui joue avec son pinceau. Puis il le vit saisir et soulever la peau au-dessus de la tumeur avec la main gauche. À ce moment, ses nerfs, déjà très surexcités à 2 ou 3 reprises, ne purent résister davantage. Sa tête se mit à tourner et il sentit qu'il allait s'évanouir. Il n'osa plus regarder la patiente et se boucha les oreilles avec les pouces de peur d'entendre un cri. Il essaya de fixer le rebord de bois qui se trouvait en face de lui. Un geste, un cri, pouvait, il le sentait, terrasser le peu de courage qui lui restait. Il s'efforça de penser à 1000 autres sujets, au cricket, au gazon vert, à l'eau courante, à ses sœurs, à tout, excepté à ce qui se passait autour de lui. Et cependant, malgré ses oreilles bouchées, il lui semblait que la voix de la patiente parvenait jusqu'à lui et lui racontait sa lamentable histoire. Il entendait, ou croyait entendre, chanter la bouilloire. À un moment donné, il se rendit compte que les aides s'agitaient. Les soupirs étaient-ils trop douloureux pour lui, ou un autre son, un autre fluide, avait-il un pouvoir plus suggestif et plus terrible ? Il ne perdit pas un seul détail de l'opération, et son imagination se chargea de grossir l'atrocité de la scène. Ses nerfs s'irritèrent et frémirent. De minute en minute, son vertige augmentait et son mal de cœur devenait plus violent, pendant qu'un frisson mortel parcourait ses membres endormis. Subitement, avec un cri étouffé, sa tête tomba en avant, son front cogna le rebord de bois et il s'étala complètement évanoui. Lorsqu'il revint à lui, il était couché dans la salle vide, son col défait, sa chemise ouverte. L'étudiant de 3e année lui épongeait la figure et 2 aides regardaient ce spectacle en ricanant. « Ça va bien !» cria le novice en se levant et se frottant les yeux. « Je regrette de m'être rendu si ridicule. »« C'est bien mon avis, » répondit son compagnon. « Mais aussi, pourquoi diable vous êtes-vous évanoui ?»« Je n'ai pu maîtriser mes nerfs. C'est cette opération. »« Quelle opération ?»« Mais ce cancer ?» Après une pause, les 3 étudiants éclatèrent de rire. Comment, grand bonnet ? S'écria l'aîné d'entre eux. Mais il n'y a pas eu d'opération. On a trouvé que la malade supportait mal le chloroforme et le chirurgien a arrêté les frais. Archer nous a offert une conférence, comme lui seul sait en faire, et vous vous êtes évanoui juste au moment où son exposé devenait le plus intéressant.